Quand j'ai pris conscience que je ne suis pas traitée comme mon frère, comme mon cousin, que je n'ai pas le même traitement, que j'ai des interdits, on m'interdit de participer à des activités le soir, d'aller au cinéma, d'aller au théâtre, de sortir librement, de m'habiller librement. Il y a toujours non, pas ça, ne fais pas ça et tout. Et que je vois que la corvée des travaux domestiques, c'est toujours les filles qui se la tapent. Je me suis dit, j'ai un petit peu eu la chance d'avoir des professeurs gauchistes qui nous ont ouvert les yeux comme quoi la condition de vivre les femmes, il y a de l'injustice, s'il y a beaucoup de discrimination, c'est une violence envers les femmes. On est des êtres humains, on doit défendre ce droit d'être traité comme être humain avant tout. Donc j'ai adhéré à l'Association démocratique des femmes du Maroc en 1979 et là je commençais à militer, à être dans les combats pour les réformes des lois discriminatoires, à travailler avec les femmes pour leur prendre conscience de leurs droits, pour qu'ils apprennent à défendre leurs droits par l'estime de soi, comment communiquer, comment être forte devant des défis, comment dénoncer la violence et ne pas l'accepter. J'ai travaillé avec les jeunes aussi pour les conscientiser dans les lycées, dans les écoles, avec les enfants. Alors à chaque fois qu'il y a un espace qui s'ouvre, j'interviens pour sensibiliser. Bien sûr, nos droits ne viennent pas sur un plateau en argent. On est toujours là dans un combat. Donc, c'est les manifestations, c'est le sortir dans la rue, c'est les communiqués, c'est les émissions radiophoniques où on intervient. Donc, on essaye d'intervenir dans tous les espaces. Je dis jamais non quand on m'appelle pour défendre notre cause. Notre cause est noble et moi, je sens que avec les autres, en tant que défense des droits des femmes, on peut changer les choses. Et si les choses ont changé pour les femmes au Maroc, c'est grâce au mouvement féministe, c'est grâce à des femmes qui ont sacrifié et leur carrière et leur vie de famille pour défendre les droits des personnes qui sont sans voix. Il y a beaucoup de femmes qui sont sans voix parce qu'elles ont peur. Le système patriarcal est tellement ancré. Il a tous les moyens pour intimider, pour confiner les femmes dans les rôles traditionnels, ça, en passant par les lois, les traditions, la religion, pour confisquer notre liberté, nos droits. Et ça, on le refuse, on va combattre jusqu'au bout, pour notre génération, pour la génération future.